Le 32e Festival national des sciences et techniques est ouvert le 3 avril au Palais des sciences et techniques. Y ont pris part Chet Hebo, vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, des cadres intéressés et des travailleurs. Au festival seront exposés et informés des réalisations technoscientifiques obtenues ces dernières années pour la nationalisation des matières premières, combustibles et équipements et la normalisation de la production dans les usines et entreprises modernisées.